Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. L'arrivée des deux petits navires, 60 tonneaux chacun, de Jacques Cartier en juin 1534 au long des littoraux un peu déshérités, déjà en partie reconnus entre Terre-Neuve et Labrador, n'est pas un fait divers. L'événement, discret en soi, il est vrai, a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, Fernand Braudel, dans un livre intitulé « Le monde de Jacques Cartier », soulignait-il l'importance de l'exploration des côtes du Canada, faite par le navigateur au XVIe siècle. Célèbre dans le royaume de France à l'époque de ses explorations, Cartier a terminé sa vie dans un relatif anonymat, avant de sombrer dans l'oubli jusqu'au XIXe siècle qu'il redécouvrit, en France, mais plus encore au Québec, province alors en recherche de ses racines, et où il devint une sorte de héros national. En 1984, on célébrait à Saint-Malo, terre qui vit naître et mourir Jacques Cartier, et qui fut le point de départ de ses voyages, le 450e anniversaire de son exploration du Saint-Laurent. Nadine Lefébure s'emparait de l'occasion pour lui consacrer un documentaire pour France Culture. De nombreux spécialistes, canadiens et français, étaient réunis dans la ville fortifiée et toute une série d'événements commémoratifs y étaient organisés. Pièces de théâtre, expositions ou encore traversées nautiques. On entend ainsi historiens et passionnés raconter les voyages de l'explorateur, leur contexte, leurs rebondissements et leurs surprises, et dire leur intérêt pour un personnage d'autant plus attachant qu'il est mystérieux, puisque, si l'on connaît assez bien les étapes de ses voyages, grâce au récit qu'il en a fait lui-même, on sait fort peu de choses de sa vie. Jacques Cartier, autour et alentour, une émission diffusée pour la première fois le 23 juin 1984. En cet été 1984, la France et le Canada fêtent conjointement le 450e anniversaire de l'exploration du Saint-Laurent par Jacques Cartier. À cette occasion, France Culture présente Jacques Cartier, autour et alentour. Une émission de Nadine Lefébure, avec Philippe Moreau, Léon Lessac, Didier Baudet et divers témoignages, dans une réalisation de Maurice Audran. Saint-Malo. Tu croyais parti pour les Terre-Neuve depuis longtemps. Salut, Toulin. D'où arrives-tu? Du Pas-de-Calais. Je rentre à La Rochelle. Ah, moi, je n'en suis qu'à embarquer mon eau. Pas moyen de trouver un marinier. Ah, il fallait t'y prendre plus tôt. Ils sont tous retenus pour la pêche. La saison s'avance. Voilà des semaines que j'en cherche. J'ai bien pris tous les hommes de ma famille, mais il me faut 60 compagnons. 60 compagnons? Il y a donc plus de marins à Saint-Malo. Les armateurs de la ville sont ligués contre moi. Ils les enfermeraient chez eux plutôt que de me les louer. Mais dame, c'est la pêche. Ah, peut-être, mais moi je prépare un voyage de découverte. Découverte? Et ces bourgeois ne pensent qu'à leur profit personnel. Sûr, et ça, il n'y a que les poissons qui les intéressent. La découverte, ça rapporte pas. Et les gars ont peur d'y laisser leur peau. Comment vas-tu faire? J'ai présenté mes doléances au roi. Eh ben, t'es pas encore parti. Voir. Une chance pour toi de n'être pas de Saint-Malo. Pourquoi? Tu m'aurais embarqué de force. Hein? J'ai obtenu un arrêt. Un arrêt? Oui. Va en ville, tiens, tu l'entendras à tous les carrefours. Il y a 450 ans, en avril 1534, Jacques Cartier s'apprête à appareiller de Saint-Malo pour traverser l'Atlantique Nord avec deux navires. Son but, trouver un passage qui relierait directement l'Occident à l'Orient, source de toutes les richesses, pour le compte du roi François Ier, qui a grand besoin d'argent. Le 10 mai 1534, il atteint Terre-Neuve, après 20 jours de navigation, puis explore l'embouchure du Saint-Laurent et aborde la Gaspésie. Au cours d'un second voyage, quelques mois plus tard, il remontera le fleuve jusqu'au lieu qui devait devenir Québec, où il hivernera et poussera jusqu'à Hochelaga, futur Montréal, et même au-delà. Un troisième voyage, entrepris en 1541 en vue d'établir une colonie de peuplement, devait tristement échouer. Des deux côtés de l'Atlantique, la France et le Canada commémorent depuis avril jusqu'en septembre 1984 l'arrivée de Jacques Cartier au Canada. Plutôt que de suivre escale par escale le navigateur, il m'a paru opportun de faire partager au public auditeur certains aspects de ces commémorations, tels par exemple le colloque dû à l'Association française d'études canadiennes et l'Université de Rennes 2, qui s'est tenu à Rennes et à Saint-Malo à la mi-avril et réunissait une cinquantaine de personnalités de l'ancien et du nouveau monde, historiens, officiers de marine, spécialistes de la littérature du XVe siècle, ou encore la table ronde organisée par l'Association des Amis de Jacques Cartier. Un large volet a d'autre part été réservé à l'ambiance qui régnait sur le port de Saint-Malo, où s'étaient rassemblés une vingtaine de voiliers à vieux gréement, dont le grand trois-mâts école polonais. Voiliers qui partaient en course pour le Québec, via les Canaries, les Bermudes, Halifax, Gaspé, à l'embouchure du Saint-Laurent, et qui, après avoir retrouvé quantité d'autres voiliers du même genre, remontent en ce moment même ce fleuve sur des centaines de kilomètres pour évoluer en parade devant Québec en cette fin juin. Ci-devant, sergent de la cour, par ordre du roi, François Ier, à la requête et instance de Jacques Cartier, déclarons arrêt sur chaque navire du port de Saint-Malo, prohibition et défense à tout bourgeois, comme à tout maître de navire, de les faire déplacer. Il est interdit aux maîtres mariniers et compagnons de mer de s'embarquer pour toute navigation avant l'armement complet des deux navires de Cartier, suivant le bon plaisir et le vouloir de ce seigneur. Les navires contrevenants seront imposés pour 600 écus, les compagnons de mer et mariniers pour chacun 100 écus, et seront en outre emprisonnés. Avis leur est donné qu'ils sont dès maintenant requis. Paie-toi le chien. Ci-devant, sergent de la cour, par ordre du roi François Ier, à la requête et instance de Jacques Cartier, déclarons arrêt sur chaque navire du port de Saint-Malo. Michel Mola du Jourdain, de l'Institut. À Saint-Malo, tout le monde vit de la mer et de tout temps. C'était des pêcheurs, certainement. Il y avait des marchands. Et depuis des siècles, les uns et les autres circulaient non seulement dans la Manche et entre la France et l'Angleterre, mais entre la région des Pays-Bas, c'est-à-dire depuis Bruges, jusque dans le sud-ouest. Pêcheurs, ils l'étaient, mais j'y reviendrai après parce que je crois que c'est là que nous trouvons une articulation avec les voyages de Jacques Cartier. Mais marchands, ils l'étaient aussi, sur des routes maritimes qui faisaient qu'ils s'affrontaient facilement avec les Anglais. Il faut se rappeler ce qu'a été la guerre de Cent Ans. À Saint-Malo, nous trouvons là un des points les plus chauds de la guerre de Cent Ans, il n'y a aucun doute. Toute la côte était remplie de corsaires, navigateurs, qui ont reçu du roi une commission pour armer leurs navires pour la guerre. Et ayant cette commission, ils peuvent attaquer les ennemis du roi, mais pas d'autres. Et quand ils rentrent, ils sont obligés de faire une déclaration devant les officiers de l'amirauté, disant quelles prises ils ont faites, ce qu'il y avait sur les navires, remettant les prisonniers entre les mains des gens de l'amiral, et c'est seulement un jugement qui déclare si la prise est bonne, et si par conséquent, ils ont droit à garder les 4/5 de la prise. Déjà avant Jacques Cartier, mais bien sûr, les règles étaient la réglementation de la guerre de course a été au fond établie dans les pays d'Europe occidentale dans la fin du XVe siècle. C'est en fait un des résultats de la guerre de Cent Ans. Une succession de traités passés entre le roi de France, le roi d'Angleterre, le roi de Castille, le roi de Portugal ont établi des règles qui, en gros, sont à peu près celles que je viens d'indiquer tout à l'heure. Et les pirates ? Ah, ben les pirates, ce sont ceux qui, précisément, font du banditisme en mer, s'attaquent à n'importe qui, sans autorisation et sans rendre compte à personne. Alors, au temps de Jacques Cartier, les corsaires existaient. Peut-on penser que Jacques Cartier, dont on ne sait pas grand-chose jusqu'à la quarantaine, ait été lui-même un corsaire ? La chose n'est pas impossible du tout, parce qu'à Saint-Malo, il était facile d'être corsaire. Toutefois, aucun texte ne permet de l'affirmer. Et sans doute était-il grand patron pêcheur ou armateur ? Armateur à la pêche, ça ne m'étonnerait pas du tout. En tout cas, une chose certaine, c'est qu'il connaissait la route de Terre-Neuve. Alors, dans de telles conditions, il est bien probable que son activité de pêche ait été assez régulière avant son voyage. Depuis combien de temps allait-on à Terre-Neuve de Saint-Malo ? Les preuves les plus anciennes de la fréquentation des bancs de Terre-Neuve par les Bretons remontent à la première dizaine d'années du XVIe siècle. C'est pas Saint-Malo même qui fournit les textes les plus anciens, c'est la région de Bréa et de Paimpol. Mais tous les marins de la côte nord de la Bretagne connaissaient bien le chemin de Terre-Neuve, à telle enseigne que c'est à des Bretons de cette région-là que l'on a demandé des pilotes, aussi bien en Normandie, et d'abord en Normandie, où les traces sont visibles, enfin j'en ai trouvé moi-même, en 1508. Ensuite, à Nantes, à La Rochelle, et à Bordeaux, vers 1520. Et je mets de côté les Basques, car les Basques, on ne sait pas très bien, ils sont allés très tôt, à quel moment ils sont allés. Mais il y a une chose curieuse, c'est qu'en Pays Basque espagnol, la reine de Castille a demandé des pilotes bretons pour mener des Basques à Terre-Neuve en 1511, si je ne me trompe. Mais les Bretons descendaient à terre, à Terre-Neuve, ils avaient des villages mobiles, enfin, des points. Ah, mais ils avaient des installations à terre, certainement, de cette époque-là, vraisemblablement. Mais les pêcheurs à Terre-Neuve en avaient, j'en ai la preuve certaine, vers 1540. À l'aide d'un registre de marchands normands, marchands de Rouen, qui explique comment reconnaître à Terre-Neuve, sur la côte, l'endroit où il a laissé des embarcations, des petits bateaux, d'une année à l'autre. Les bateaux partaient pendant des mois quand ils allaient à Terre-Neuve, déjà à l'époque. Ah bah oui, partant au printemps, à la fin du printemps, ils revenaient à l'automne. Alors, vous disiez que Jacques Cartier était déjà allé à Terre-Neuve. Ah oui. Quelles sont les preuves ? Il y en a une qui n'est pas écrite, mais qui me paraît indiscutable, c'est que pour avoir fait son premier voyage en 20 jours, fallait qu'il connaisse la route. Le voici, Jacques Cartier. Et son journal de bord. Après que messire Charles de Mouy, chevalier seigneur de la Milleraie et vice-amiral de France, eut pris les serments et fait jurer les capitaines, maîtres et compagnons des dix navires, de bien et loyalement se comporter au service du roi sous la charge dudit quartier, nous partîmes du Havre et port de Saint-Malo avec lesdits deux navires, d'environ 60 tonneaux chacun, les deux de 61 hommes, le 20e jour d'avril dudit an 1534. Et naviguant avec bon temps, vîmes à Terre-Neuve, le 10e jour de mai, et atterrâmes au cap de Bonne-Viste, étant à 48,5 de latitude. Et du fait du grand nombre de glaces qui étaient le long de cette terre, il nous convint d'entrer en un havre nommé Sainte-Catherine, où nous fûmes l'espace de 10 jours, en attendant notre temps et réparant nos barques. Le navigateur malouin passe dans le détroit qui sépare Terre-Neuve de la rive nord du Saint-Laurent, redescend le long de la côte ouest de Terre-Neuve, traverse le golfe, reconnaît les caps, les îles et les baies. Première rencontre avec des Indiens. 24 juillet 1534, un grand jour pour la future ville de Gaspé et la Gaspésie. Le 24 du mois de juillet, nous fîmes faire une croix de 30 pieds de haut qui fut faite devant plusieurs d'entre les sauvages sur la pointe de l'entrée du dit havre, sous le croisillon de laquelle nous mîmes un écusson en bosse à 3 fleurs de lys et au-dessous un écriteau en bois gravé en grosses lettres de forme où il y avait « Vive le roi de France ». Et nous plantâmes cette croix sur la dite pointe devant eux qui regardaient l'affaire et la planter. Et après qu'elle fut élevée en l'air, nous nous mîmes tous à genoux, les mains jointes, en adorant celle-ci devant eux, et leur fîmes signe, regardant et leur montrant le ciel, que par elle était notre rédemption. Ce dont ils montrèrent beaucoup d'étonnement, en tournant autour de cette croix et en la regardant. Quand nous fûmes retournés sur nos navires, vint le chef, vêtu d'une vieille peau d'ours noire, dans une barque, avec 3 de ses fils et son frère, lesquels n'approchèrent pas aussi près du bord qu'ils avaient coutume. Et il nous fit une grande harangue, nous montrant la dite croix et faisant le signe de la croix avec 2 doigts. Et puis il nous montrait la terre tout autour de nous, comme s'il eût voulu dire que toute la terre était à lui et que nous ne devions pas planter la dite croix sans sa permission. Après cette prise de possession au nom du roi François Ier et sa première rencontre avec le seigneur de Nakona, qui lui confiera 2 de ses fils pour les emmener en France, Jacques Cartier reconnaît l'île d'Anticosti, ou Assomption, qui barre en cet endroit l'embouchure du Saint-Laurent. Il rentre à Saint-Malo le 5 septembre 1534. Ainsi prend fin le premier voyage qui avait duré près de 5 mois. Voici dans le grand donjon qui domine les murailles de la cité corsaire avec Philippe Petou, documentaliste au musée de Saint-Malo. Il faut bien voir qu'en raison d'un grand incendie qui a eu lieu au milieu du XVIIe siècle, puis les sièges qu'a connu Saint-Malo et celui de 1944 qui était dramatique, il reste pas grand-chose de la ville de Jacques Cartier. Enfin, il a connu le château, à peu près le donjon où nous sommes, qui a été élevé en 1424, il l'a vu. Ce château est en pleine construction au moment où il vit, mais de la ville de Jacques Cartier, toute l'enceinte a été remplacée au XVIIIe siècle, et il reste encore la grande porte, qui remonte au XVe siècle, qu'il a pu connaître, la cathédrale, bien sûr. La grande porte qui donne justement sur le bassin Vauban. Oui, c'était tous les marins qui entraient à Saint-Malo pénétraient par cette porte très imposante, par ces 2 énormes tours. Et toutes les murailles ont été refaites après ça. Oui, Jacques il y avait entre la grande porte et le château l'anse de Merbonne, qui était une sorte de redan où les bateaux venaient s'abriter. C'était la partie la plus abritée du port, et c'est probablement là que Jacques Cartier a dû mettre ses navires. Et cette anse a été comblée au début du XVIIIe siècle par Vauban, qui a créé alors la porte Saint-Vincent. Et à l'époque de Jacques Cartier, est-ce que Saint-Malo était construit tout en bois, comme tant de villes du Moyen-Âge et même bien au-delà, oui. Mais toutes ces villes ont brûlé, très ou bien est-ce qu'il y avait quand même déjà des maisons en granit ? Il y avait quelques logis de granit, on en a un témoignage, une maison qu'on appelle Maison de la Duchesse Anne, une maison à tourelles du XVe siècle, qui est d'ailleurs sans doute la plus ancienne maison de Saint-Malo, est un témoignage mais d'une maison d'un riche bourgeois, probablement apparenté d'ailleurs à la famille de Cartier, il fait partie de la parentèle de Cartier, il appartenait aux Le Gobien, famille très importante de Saint-Malo déjà au XVIe siècle. C'est justement parce qu'elle était en granit qu'elle a résisté au feu. Mais autrement, on a des descriptions qui sont tout en valables. Par exemple, en 1636, un voyageur normand visite Saint-Malo. Et il nous dit « Cette ville est extrêmement pressée, on manque de place, et habitée. On a dû construire en hauteur très tôt. Et presque toutes de vieilles maisons de bois avançant sur les porches. » Donc une ville un petit peu comme Dinan, avec des maisons de bois à l'époque, beaucoup plus que de maisons de pierre. Et croyez-vous qu'on utilisait déjà l'ardoise malgré tout pour couvrir les maisons même de bois ? L'ardoise a été rendue obligatoire à Saint-Malo après un incendie qui a eu lieu en 1584, qui avait détruit la maison dite de la chaire de pierre, qui était sur la place du Pilori, et qui était couverte de chaume. Et depuis, eh bien, on a ordonné de ne plus utiliser que l'ardoise à Saint-Malo, depuis la fin du XVIe siècle. Donc antérieurement, les maisons étaient couvertes de chaume, et le manoir de Limoilou, lorsqu'on a examiné la charpente, il y a une preuve que ce toit était aussi couvert de charpente et de bedou ou de chaume. Et à l'époque de Jacques Cartier, il y avait malgré tout une enceinte, certainement, comme surtout ces rocs fortifiés. On fermait les portes le soir ? Il y avait, finalement, c'était assez simple, deux portes. La porte Saint-Thomas, qui était tout près du château. Elle a changé plusieurs fois de place, mais qui était l'entrée de la ville lorsqu'on venait par le sillon de sable, qui était une bande de terre très étroite, sur près de 4 km de long, où il y avait quelques moulins et les sécheries de morue, qui sont attestées, c'est intéressant, depuis 1519, ce qui prouve que les Malouins allaient déjà à Terre-Neuve bien avant Jacques Cartier. Et puis, la grande porte, hein, qui était munie d'une herse, surmontée d'un beffroi. Et dans ce beffroi, à 10 heures le soir, on sonnait la fameuse cloche Noguette et on lâchait les chiens autour de la ville. Et les chienetiers les ramenaient le lendemain matin dans leur chenil. Et Saint-Malo était bien gardé ainsi chaque soir par ses chiens jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, gardé par les chiens d'un côté, par la mer de l'autre, c'était tout de même une ville fortifiée très tôt. Oui, c'est en fait naturellement défendu, à une position géographique intéressante, parce que pas loin de Jersey-Guernesey, entre la Normandie et la Bretagne, et ce qui explique, pour une bonne part, l'originalité de l'histoire de la ville, qui a toujours su prendre, jouer sa propre carte, si on peut dire. Il y avait des tours de guet ? Depuis la reconnaissance d'une municipalité à Saint-Malo en 1513 par la duchesse Anne, on parle déjà du guet qui est assuré par les Malouins autour de leur cité. C'est un des privilèges de Saint-Malo, de se garder elle-même. Elle ne dépend comme ça, elle ne dépend pas du roi, à part le château qui, lui, était la représentation un petit peu du pouvoir royal avec un gouverneur et une garnison. Mais le reste de la ville était gardé par les Malouins eux-mêmes. Ce qui était un privilège, mais pas tellement un cadeau, parce que ça coûtait très cher, il fallait entretenir les fortifications, prévoir l'armement, l'artillerie. La pêche rapportée. Oui, la grande pêche a été ce qui a permis, la pêche à Terre-Neuve, de transformer le port de Saint-Malo, qui a une vocation un petit peu de carrefour commercial au niveau de la Bretagne, encore très important au XVe siècle, et qui, grâce à la morue, va devenir au XVIe siècle, et à partir de l'époque de Jacques Cartier, un carrefour international, puisque les bateaux qui fréquentent Terre-Neuve reviennent en Méditerranée, et là vont trouver des débouchés, en Espagne, à Cadix, où d'ailleurs on ira vendre ensuite les toiles et où on ramènera les métaux précieux que les galions espagnols ramenaient. Alors, ensuite en Italie, les Malouins échangent la morue contre l'alun de Tolfa. L'alun est un produit qui servait à teindre les textiles, donc qui pouvait resservir ensuite dans les ateliers de Rennes, de Vitré, de Fougères, etc. Deuxième voyage. Cartier appareille le 16 mai 1535 avec trois navires. La Grande Hermine, 120 tonneaux, la Petite Hermine, 60 tonneaux, et l'Émerillon, 40 tonneaux. Et après 10 jours de bonne route... Le temps tourna en colère et tourmente, qui nous dura en vent contraire et obscurité, autant qu'on n'eurent jamais navires qui passèrent la dite mer. Tellement que le 25e jour de juin, nous nous entreperdîmes tous trois, sans avoir de nouvelles les uns des autres jusqu'à Terre-Neuve, là où nous avions convenu de nous trouver tous ensemble. Nous touchâmes terre, à l'île des Oiseaux, laquelle est à 14 lieues de la Grande Terre, au 7e jour du mois de juillet. Le commandant Hubert Michéa. Lorsqu'un navigateur est en mer, il n'a aucun repère de la terre, il ne reste que les astres. La seule possibilité qui existait à la mer, à l'époque qui vous intéresse, d'observer la latitude, était de mesurer la hauteur de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon, avec des incertitudes qui étaient telles qu'on était obligé d'utiliser des diagrammes que vous voyez sur toutes les anciennes cartes, qu'on appelle communément « rose des vents », qui n'ont rien à voir avec le sens des vents au sens strict, mais qui étaient tout simplement des abacs de calcul destinés à faire les estimations nécessaires et à porter les corrections nécessaires pour ramener le navire sur sa route. L'astrolabe servait également à mesurer la latitude. L'astrolabe était un instrument qui permettait de mesurer des angles entre des astres et éventuellement entre des astres et l'horizon. Il fallait un support stable, c'est pourquoi l'astrolabe était en réalité utilisé à terre et pouvait difficilement être utilisé sur la plateforme mouvante que constitue le pont d'un bateau. Alors on utilisait ce qu'on appelait un bâton de Jacob ou une arbalète, et ceci permettait de déterminer l'angle qui séparait l'étoile polaire, ou une autre étoile d'ailleurs, de l'horizon. On arrivait à mesurer, avec une approximation que j'estime à environ une trentaine de minutes d'arc, c'est-à-dire environ 60 km, la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire la latitude. Mais la longitude à l'époque, voilà, je crois que c'est le grand problème de la navigation autrefois. Problème de Jacques Cartier et de tous les découvreurs, ou tous explorateurs, a été effectivement de faire une estimation de la distance parcourue en direction de l'ouest. Et ce problème reste d'actualité, car aujourd'hui, on fait des estimes. Les estimes sont plus précises que celles que faisaient naturellement des gens comme Verrazzano ou Jacques Cartier. Mais le principe reste le même. On mesure la distance qu'on a parcourue pendant un certain temps. Alors ça supposait l'usage de deux instruments, l'un pour mesurer la vitesse du navire et l'autre pour mesurer le temps. À cette époque-là, et pendant longtemps encore, le seul instrument de temps dont on a disposé était le sablier, ou plutôt des batteries entières de sablier. On essayait de chavirer au bon moment, mais qui, on le conçoit bien, au bout de 15 jours de navigation, avait fatalement induit quelques erreurs. Il nous est malheureusement impossible de les chiffrer. Quant à ce qui concerne la vitesse, on utilisait un sablier comme celui que vous utilisez pour faire cuire les œufs quand on veut faire des œufs à la coque, et il durait une minute, et on laissait tomber une pièce de bois le long du bord. Elle partait vers l'arrière au fur et à mesure que le bateau avançait, et lorsque le sablier avait fini de se vider, eh bien, on mesurait à quelle distance cette pièce de bois était déplacée vers l'arrière, et ceci, par un jeu de parties proportionnelles, donnait naturellement la vitesse du navire en une heure. Cet instrument s'appelait le loch. On le perdait pas à chaque fois, ça aurait été quand même trop coûteux. Il était donc tenu au bord par une cordelette. Cette cordelette était graduée de distance en distance par des petits nœuds dont la distance entre eux avait été déterminée de façon à ce que ça corresponde à une vitesse d'environ 1 mille parcourue pendant l'espace d'une heure, d'où le nom de filet un nœud ou bien de filet 5 nœuds. Mais les pêcheurs qui allaient sur les bancs de Terre-Neuve, comment se dirigeaient-ils? Les pêcheurs qui allaient dans les 50 ans qui ont précédé les voyages au Canada disposaient d'un compas magnétique, parce qu'on en disposait depuis à peu près le XIIe siècle. d'astrolabe, aucun signe qu'ils en aient eu l'usage. Ces gens-là se guidaient, comme le font la plupart des marins pêcheurs, sur les signes que leur donnent les colorations de l'eau, les vols d'oiseaux, d'oiseaux migrateurs en particulier, la sonde, consiste à laisser tomber un plomb au fond et à palper le fond. On remonte le fond, on met du suif au fond du plomb, et quand on remonte le plomb, on voit la nature et la couleur du sable qui remonte avec. Tout ceci était des techniques qui étaient utilisées par les marins qui allaient vers Terre-Neuve. Malheureusement, il n'existe aucun document historique qui nous en apporte la preuve. Le 30 juillet, nous fîmes voile à l'ouest pour avoir connaissance d'autres îles qui étaient environ à 12 lieues et demie. Entre lesquelles îles, il se forme une anse vers le nord, tout en îles et grandes baies, où il semble y avoir plusieurs bons havres. Nous les nommâmes îles Sainte-Marthe, au large desquelles, à environ une lieue et demie en mer, il y a un haut fond très dangereux, où il y a 5 têtes, en travers des dites baies, sur la route d'est et ouest des îles Saint-Guillaume et autres îles. Et depuis le 10 jours jusqu'à l'horloge virante, nous parcourûmes environ 15 lieues jusqu'au travers d'un cap d'îles basses que nous nommâmes les îles Saint-Germain. Au sud de ce cap, à environ 3 lieues, il y a un autre haut fond fort dangereux. Et pareillement, entre le dit cap Saint-Germain et Sainte-Marthe, il y a un banc à environ 2 lieues des dites îles sur lequel il n'y a que 4 brasses. Et en raison du danger de cette côte, nous mîmes les voiles bas et ne naviguâmes pas cette nuit-là. Comme après sa première traversée, Cartier a contourné Terre-Neuve par le nord. Puis il longe la côte nord du golfe du Saint-Laurent. Il dépasse l'île d'Anticosti, en partie reconnue lors du premier voyage, et remonte jour après jour vers ses terres qu'il appelle Canada. Le 8 septembre 1535, alors que les navires ne sont pas très éloignés du lieu où s'érigera un jour Québec, le seigneur Donnacona vient au-devant des navires avec 12 barques. Retrouvailles chaleureuses. Ses fils, devenus interprètes, racontent ce qu'ils ont vu de beau en France. Et après avoir pris congé les uns des autres... Nous remontâmes le fleuve sur environ 10 lieues, côtoyant l'île d'Orléans, et au bout de celle-ci, nous trouvâmes une fourche d'eau, fort belle et plaisante, où il y a une petite rivière et un havre de barre avec 2 ou 3 brasses de fond, que nous jugeâmes propice pour mettre nos 10 navires en sûreté. Nous nommâmes le dit lieu Sainte-Croix, car nous y arrivâmes ce jour-là. Monsieur Normand Doiron, pourquoi Jacques Cartier a-t-il appelé le lieu là où il a hiverné, pourquoi l'a-t-il appelé Sainte-Croix ? C'est le lieu du premier hivernement aussi des Français en Nouvelle-France. Il arrive le 14 septembre, jour de l'exaltation de la Sainte-Croix. Les raisons qui mènent Cartier à retenir ce nom de Sainte-Croix situent l'explorateur dans une perspective tout à fait médiévale d'interprétation des dates comme ayant déjà un sens. Alors, qu'on serait porté à croire que Cartier donne simplement ce nom... au lieu de son hivernement, parce qu'il y arrive le 14 septembre, on peut voir, si on se réfère au sens de cette fête liturgique, qu'elle nous renvoie à l'époque de Constantin, à la découverte de la vraie croix. En fait, il y a 2 fêtes, la fête de l'exaltation et la fête de l'invention de la croix. Alors, si Cartier retient ce nom de Sainte-Croix, c'est que déjà cette date est conçue comme un signe du temps. Un signe du temps, c'est-à-dire un signe du ciel, un signe de Dieu? Oui, un signe de Dieu, un appel d'abord à la Providence, à l'aide divine. Cartier a parfaitement conscience, si je puis dire, d'inventer la Nouvelle-France. Ce Dieu, ce qui était très étrange, va se déplacer après le départ de Cartier. Quand Champlain, en 1603, va revenir au Canada, il s'apercevra que le lieu d'hivernement de Cartier n'est plus celui où a effectivement hiverné Cartier et que Sainte-Croix s'est déplacée, a dérivé paradoxalement en amont du fleuve. Et Champlain, lui, va-t-il en tirer des conclusions? L'examen du site du vrai Sainte-Croix, c'est-à-dire l'examen des vestiges, l'examen des traces qui sont laissées près de la rivière Saint-Charles, près de Québec, vont l'amener précisément à fonder Québec. Et entre la fondation de Québec et le désenfouissement des vestiges de Sainte-Croix, toute une dialectique s'installe où Champlain, en fait, chasse Cartier, oui. Et ce que dit Québec, ultimement, c'est que Sainte-Croix est disparue à jamais. Sainte-Croix devient donc un lieu mythique. Mythique, oui, puisque la fausse Sainte-Croix, située à 15 lieues de Québec, c'est-à-dire lieu où jamais Jacques Cartier n'a hiverné, ce lieu continue, sans jamais avoir d'existence, continue d'exister comme un nom où il n'y a rien, c'est-à-dire comme un lieu utopique. Mais pendant toute l'époque de la Nouvelle-France, bon, non seulement Champlain, mais Charlevoix qui d'ailleurs croira encore que Cartier dit « j'y ai hiverné », en passant devant Sainte-Croix, on croira toujours bon d'honorer la mémoire de l'illustre découvreur. Auprès de ce lieu, il y a un peuple dont est seigneur le dit Donnacona. Et là se trouve sa demeure, laquelle se nomme Stadacone, qui est aussi bonne terre qu'il soit possible de voir et bien fructifiante. Pleine de très beaux arbres de la même nature et sorte qu'en France, tels que chênes, ormes, frênes, noyers, pruniers, ifs, cèdres, vignes, aubépines qui portent des fruits aussi gros que des prunes de Damas, et d'autres arbres sous lesquels croît un aussi bon chanvre que celui de France, et qui vient sans semence ni labour. Après avoir visité le dit lieu et trouvé convenable, je me retirai avec les autres dans les barques pour retourner au navire. Et quand nous sortîmes de la dite rivière, nous trouvâmes devant nous l'un des seigneurs du peuple de Stadacone, accompagné de plusieurs gens, tant hommes que femmes et enfants, lequel seigneur commença à faire du prêche à la façon et mode du pays, qui est de joie et de confiance. Et les femmes dansaient sans cesse, se tenant dans l'eau jusqu'aux genoux. Voyant leur bon amour et bon vouloir, je fis approcher la barque où ils se trouvaient et je leur donnai des couteaux et de la verroterie. Ce dont ils montrèrent une extrême joie, de sorte que nous étant séparés d'eux, d'une distance d'une lieue environ, nous les entendions chanter, danser et mener fête de notre venue. Cartier quitte Sainte-Croix et s'avance en amont dans le pays jusqu'à Hochelaga, futur Montréal. Trois chutes d'eau l'empêchent de poursuivre sa route. À Hochelaga, ville fortifiée toute ronde, d'une cinquantaine de vastes maisons de bois, on fait bon accueil à tous les Français. On le ramène jusqu'aux malades, tellement qu'il semblait que Dieu fût descendu pour les guérir. On échange des concerts et des cadeaux, haches, couteaux, chapelets, vivres. Le capitaine ordonna de sonner les trompettes, ce dont le dit peuple fut fort réjoui. Jacques Cartier et ses hommes rentrent à Sainte-Croix le 11 octobre 1435. Nous avons conversé et sommes allés et venus avec les peuples les plus proches de nos navires, avec douceur et amitié. Et nous avons entendu par le seigneur Donnacona et ses deux fils, nos interprètes, Teñoagny et Domagaya et autres, que la rivière nommée Saguenay va jusqu'au dit Saguenay, qui est à plus d'une lune de chemin du commencement vers l'ouest-nord-ouest, et que passées 8 ou 9 journées, elle n'est plus profonde pour les bateaux. Ils nous ont fait comprendre que dans le dit lieu, les gens sont vêtus et habillés de draps comme nous, qu'il y a force ville et peuple et bonnes gens, et qu'ils ont grande quantité d'or et de cuivre rouge. La rivière entre dans 2 ou 3 grands lacs d'eau fort larges, puis l'on trouve une mer douce, de laquelle il n'est pas mention d'avoir vu le bout, ainsi qu'ils ont entendu dire par ceux de Saguenay, car ils nous ont dit n'y avoir été. Décembre 1535. Le Saint-Laurent est maintenant gelé jusqu'à Hochelaga, Montréal. À Stadacone, futur Québec, une maladie d'une étrange sorte et la plus inconnue attaque les équipages. Les uns perdaient leur force et les jambes leur devenaient grosses et enflées et les nerfs retirés et noircis comme du charbon. Puis la dite maladie montait aux hanches, aux cuisses, épaules, aux bras et au cou. Et à tous, la bouche devenait si infecte et pourrie par les gencives que toutes les chairs en tombaient. Le moment est arrivé que sur tous les trois navires, il n'y avait pas trois hommes sains. Et par crainte des sauvages, je faisais cogner et mener grand bruit aux malades dans les navires, avec bâtons et cailloux, feignant de calfater. Nous étions alors si pris de la maladie que nous avions quasi perdu l'espérance de jamais retourner en France. Cartier, un des rares hommes épargnés par le scorbut, avise un de ses interprètes, Domagoya, qu'il avait vu malade quelques jours plus tôt et qui semble guéri. Domagoya lui procure une boisson à base de feuilles pilées venant d'un arbre appelé Aneda. Après avoir connu cela, il y eut une telle presse qu'on voulait se tuer pour la dite médecine. À qui en aurait le premier? De sorte qu'un arbre, aussi gros et aussi grand que je vis jamais arbre, a été employé en moins de 8 jours, lequel a fait une telle opération que si tous les médecins de Louvain et de Montpellier y eussent été, avec toutes les drogues d'Alexandrie, ils n'en eussent pas tant fait en 1 an que cet arbre en a fait en 8 jours. Car il nous a tellement profité que tous ceux qui en ont voulu user ont recouvré santé et guérison grâce à Dieu. Le seigneur Donnacona nous a certifié, à nous, matelots, avoir été à la terre du Saguenay, où il y a une infinité d'or, rubis et autres richesses, et où les hommes sont blancs, comme chez nous, en France, et vêtus de draps de laine. Il dit avoir vu d'autres pays, où les gens ne mangent point, et n'ont point de fondement, et ne digèrent point, et font seulement de l'eau par la verge. De plus, il dit avoir été dans un autre pays de pique-niance, et dans un autre, où les gens n'ont qu'une jambe. Et autre merveille longue à raconter. Jean-Pierre Sanchez, Université de Rennes 2. Ces Indiens lui indiquent qu'il y a au loin une sorte de vague royaume. Ils n'en parlent pas à propos de Canada, de Hochelaga, Stadacone, enfin, des autres noms toponymes. Ils n'en parlent que pour le Saguenay. Ceci est très curieux. Et ils indiquent à peu près la direction vers le nord-ouest ou l'ouest, semble-t-il en remontant la rivière Saguenay, qui se jette dans le Saint-Laurent, entre l'embouchure et Québec, et on ne sait pas trop où se trouve ce royaume. C'est là que réside le mystère, que c'est un royaume merveilleux, où il y a des hommes blancs, un royaume très riche, où on trouve à profusion, à foison, l'or, les rubis, la richesse. La richesse dont, justement, l'Occident rêve depuis toujours et qui a poussé l'Occident à la découverte du monde, en fait. Et c'est cela. N'oublions pas également que François Ier pensait, au moins dans un premier stade, que le Canada était un bout de l'Asie. Donc toutes les promesses de l'Asie pourraient se trouver dans cette région. Pourquoi pas? Mais comment se fait-il que François Ier, qui est un homme d'État qui ne peut pas se permettre de fabuler. À crédit des comptes, enfin, ça ressemble presque au récit de Néarque lorsqu'il revient de l'Indus et jusque dans le golfe Persique, tellement c'est extraordinaire. Et François Ier a l'air d'y croire. François Ier a l'air d'y croire. Une lettre d'un espion portugais, un certain Lagarto, qui écrit à son roi, Portugal, le roi Jean de Portugal, nous décrit une conversation qu'a eu une longue conversation qu'a eu cet espion et avec François Ier, et nous rapporte que François Ier croyait fermement qu'il y avait des hommes volants qui ressemblaient à des chauves-souris avec des ailes au Canada, qu'il y avait des tas de merveilles. Mais enfin, n'oubliez pas que nous sortons encore du Moyen-Âge et que ce genre de merveilles, ce genre de monstres se sont perpétués. Enfin, on trouve cela encore très longtemps. Que les Indiens aient inventé ce monde, quels peuvent être leurs motifs ? Oui, c'est une question très compliquée. Que les Indiens aient inventé ce monde, il est vrai que les Indiens ont dû avoir une part importante dans cette invention. Mais je pense que la communication était très difficile entre les Européens et les Indiens, et que pour la plus grande part, tous les éléments constitutifs de ce mythe, je dis bien pour une grande part, peut-être pas totalement, ces éléments sont nés dans l'imagination des Français. C'est vrai que le désœuvrement de l'hiver presque polaire, enfin les Français ne sont pas habitués à rester des mois coincés dans les glaces, et la maladie justement peut pousser à la fabulation et au rêve, alors on peut imaginer que tout se transforme dans leur tête. J'accorde une énorme importance à cette période de pause qui dure 8 mois environ à Stadacone. Remarquez que presque tous les grands mythes de la conquête de l'Amérique naissent justement lors de pauses telles que celle-ci. Qu'il s'agisse de Cibola. Bon, le Mexique a été conquis, il y a une pause, et alors le mythe permet de repartir vers Cibola. Qu'il s'agisse de l'Eldorado, les troupes de Gonzalo Pizarro sont dans une sorte d'inaction à Quito. Et c'est là que s'amalgame toutes les idées qui existaient et que naît vraiment le mythe de l'Eldorado. Je pense que pour le Saguenay, il s'est produit la même chose au cours de cette pause de 8 mois. Je ne dis pas qu'il y ait influence de l'un sur l'autre, mais je constate un certain parallélisme. Le mythe de Cibola, c'est très simple. Il s'agit de l'ancien mythe, de la légende plutôt des 7 cités. 7 évêques espagnols, enfin, disons de la péninsule ibérique, auraient fui l'Espagne et au moment de l'invasion des Maures. C'est une légende portugaise, hein, je fais remarquer au passage, semble-t-il. Et ces 7 évêques seraient partis vers l'ouest, dans l'Atlantique, fonder 7 cités dans une île merveilleuse. Bon, cette île, nous la retrouvons tout au long du Moyen-Âge, enfin, à la fin du Moyen-Âge, dans les cartes qui sont dessinées. Mais il faut constater qu'elle apparaît même à l'époque de Cartier. Une carte contemporaine de Jacques Cartier nous dessine l'île des 7 cités au sud-ouest de Terre-Neuve. Est-ce qu'il y a même une correspondance avec les îles Fortunées de Platon et les Antillas d'Henri le Navigateur ou même après tout, pourquoi pas, même les îles que cherche Saint-Brandon? Tout cela est lié. C'est Platon et l'Atlantide qui ont créé. C'est Platon en écrivant dans le Timée et Critias que l'Atlantide existait, bon, qui a provoqué ce genre de choses. Mais enfin, les sources sont nombreuses. Les Arabes eux-mêmes ont trouvé des îles fantastiques dans l'Atlantique. Enfin, il y a beaucoup de sources. Mais disons qu'au Moyen-Âge, il y a une énorme quantité d'îles, en particulier la légende de Saint-Brandon le prouve. Alors, cette légende de cette cité, de cette île, que connaissent bien donc les Portugais, puisqu'il semble que la légende soit née au Portugal, cette légende réapparaît curieusement au Nouveau-Mexique, entre, disons, 1538 et 1542. Alors, je remarque qu'au Canada, Cartier parle de plusieurs villes. Bon, il ne dit pas combien. Hein. Ça, évidemment, le chiffre 7 n'apparaît pas dans le texte. Mais il parle de plusieurs villes peuplées de blancs, civilisés, puisqu'ils tissent la laine. Il est précisé dans la relation que toute la terre qui va jusqu'au Saguenay est une île. Vous voyez, il y a là une série d'éléments curieux. qui rappelle cette légende de cette cité. Alors, je ne peux pas dire avec certitude qu'il s'agit de la légende de cette cité. Mais pourquoi ne pas y penser ? Cartier est un Malouin. Bon, Saint-Malo, c'était le second de Saint-Brandan. Il est normal qu'un navigateur malouin de surcroît connaisse toutes ces légendes de l'Atlantique. N'oubliez pas également que Cartier parlait fort bien le portugais, puisque certains documents nous prouvent qu'il a servi d'interprète de portugais à Saint-Malo. Donc, il serait fort curieux qu'il ne connût point toutes ces îles fantastiques, et en particulier cette légende de Cibola. Et peut-être que dans son inconscient, il a placé cette cité, justement, dans ce royaume mystérieux que l'on n'arrive pas à situer très exactement au milieu de ces brouillards du nord. Le dégel venu, on s'apprête à retourner à Saint-Malo. 25 hommes sont morts du scorbut, on abandonne un des trois navires, la Petite Hermine. Cartier enlève finalement, avec son consentement, le seigneur Donnacona pour qu'il parle au roi de France de ce qu'il a vu au Saguenay. Le dimanche, troisième du dit mois de juin 1536, jour et fête de Pentecôte, nous eûmes connaissance de la côte d'est-sud-est de Terre-Neuve. Nous longeâmes la dite côte jusqu'aux îles Saint-Pierre, où nous trouvâmes plusieurs navires, tant de France que de Bretagne. Depuis le jour de la Saint-Barnabé, 11e de juin, jusqu'au 16e jour du dit mois, où nous appareillâmes. Et avec bon temps nous avons navigué par la mer, tellement que le 16e jour de juillet 1536, nous sommes arrivés au havre de Saint-Malo, grâce au Créateur, le priant, finissant notre navigation de nous donner sa grâce et son paradis à la fin. Amen. Du deuxième voyage. Jacques Cartier a exploré le Saint-Laurent, il a prouvé que Terre-Neuve était une île, il a fait escale à Saint-Pierre et Miquelon, seul vestige aujourd'hui du Canada français. Nous y reviendrons. En France, le seigneur Donnacona, moins célèbre de nos jours que le Tahitien de Bougainville à Autourou, connaîtra pourtant le succès. Il rencontre le roi François Ier. On dit même qu'il fut reçu à Chambord. Cartier avait promis de le ramener avec ses fils et ses compagnons 10 ou 12 lunes plus tard. Ils moururent tous, hélas, avant que le navigateur ne reprenne la mer. Le roi de France est en guerre contre Charles Quint. Il a d'autres soucis que de financer un voyage de découverte. Cartier acquiert un manoir. Ce manoir existe toujours. Il est situé à l'extrémité de l'actuel Grand Saint-Malo, un peu à l'écart de la commune de Roteneuf, et vient d'être restauré grâce à la générosité d'un couple canadien, Monsieur et Madame MacDonald Stewart. Depuis mai dernier, à l'occasion des fêtes Jacques Cartier Saint-Malo Québec 84, ce manoir de Limoilou est accessible au public. Nous l'avons visité, guidé par Caroline Montel, documentaliste de la Fondation Stewart, et Madame Stewart elle-même. C'était une ferme, elle était habitée par des fermiers qui vivaient au rez-de-chaussée, qui avaient des pommes de terre à l'étage supérieur dans la chambre de Jacques Cartier, du foin dans le grenier, des vaches dans l'étable, c'était une vraie ferme. Et tout à fait délabrée, quand on a recommencé à prendre à refaire la toiture, on s'est aperçu que la ferme risquait vraiment de tomber en miettes sous peu. Enfin, les travaux étaient vraiment, il fallait les faire ou sinon tout serait écroulé. Donc ils ont pris tout ça en charge, toute la restauration, en pensant peut-être par la suite intéresser tout un groupe de personnes à cette restauration. Mais enfin, le début, c'est vraiment eux qui l'ont pris en charge. Et alors vous-même, dans l'ensemble de la fondation Stewart, quel est votre rôle exactement ? Écoutez, moi je suis documentaliste, historienne de formation, et je représente cette fondation à Paris. Je m'occupe de tout ce qui se passe en France, donc la maison de Jacques Cartier. En premier lieu, et puis différentes autres activités. Nous avons fait des expositions, une qui s'appelait Naissance de la Louisiane l'année dernière. Oui. Et puis nous en avions fait une autre aussi sur le Canada à l'époque de Louis XIV, il y a 2 ans. Enfin. Le buste de Jacques Cartier qui a été inauguré, oui. C'est, dépend aussi de la fondation. Monsieur Stuart l'avait retrouvé chez un antiquaire. C'était un buste qui était sur le paquebot, le Jacques Cartier. Et bon, il a pensé que ce serait bien qu'il y ait une statue de Jacques Cartier ici, parce qu'il y en a très peu en France finalement. Et puis comme c'était vraiment la place où on arrive forcément quand on va au manoir, c'est une première approche du grand homme. Quelque chose de visuel, une représentation de Jacques Cartier, puisqu'on en y a... On ne connaît pas son vrai visage, donc ça donne une idée un petit peu de ce qu'il pouvait être. Où arrivons-nous maintenant, Madame Stewart ? Alors, nous sommes dans la partie la plus ancienne du manoir. Et il y avait l'écurie, la salle commune et 2 chambres à coucher. Enfin. Et quand il a acquis le manoir... Il a construit la seconde partie avec la tour extérieure dans laquelle il y a un escalier. De cette façon, il ne perdait pas de place à l'intérieur du manoir. Mais la charpente, vous voyez, la charpente est assez intéressante parce qu'ici, c'est... Juste au-dessus de l'escalier. Oui, juste au-dessus de la charpente de la tour a été construite comme la coque renversée d'un navire. Ce sont des charpentiers de navires qui ont fait toute la partie charpente de ce manoir, puisque Jacques Cartier faisait travailler certainement ses hommes, et donc les charpentiers de marine ont travaillé ici. C'est tout à fait évident dans la découpe de la charpente, qui est comme une coque de bateau renversée, vous voyez. Et ça, bien entendu... C'est la grande chambre à coucher de Jacques Cartier. On voit la mer par là. Que fait Cartier à Limoilou ? Il bâtit, il rêve, il écrit le rapport destiné au roi, le roi qui se bat toujours contre Charles Quint. Pour repartir au Canada, il faut attendre la fin de cette guerre. Jusqu'en cette année 1984, Jacques Cartier n'avait guère inspiré de dramaturge. Cependant, à l'occasion de ces commémorations, 2 pièces fort différentes ont vu le jour. De Limoilou, nous gagnons une solide demeure de granit. Dans la cour, des comédiens répètent une scène d'ensemble de Jacques Cartier, pilote du roi, d'Isabelle Pirot, mise en scène par Loïc Frémont. 14 septembre 1537. Pour règlement de son mémoire, le trésor roi sur Jacques Cartier, 3499. Nous étions Ni vos mains qui font à mon cœur une si douce cage. Piètre cage, en vérité, celle que l'oiseau peut quitter à loisir. Au contraire, s'il y revient de lui-même, à l'extérieur, s'il y est fidèle, on répète les scènes d'ensemble. La plus aimée du monde. Ici, passez-moi mon métier, je vous... Une scène, ne pouvez-vous Jacques Cartier et sa femme. Est-il en votre pouvoir de faire cesser cette danse de Saint-Guy qui agite vos doigts et votre pensée depuis tout à l'heure? Et qui êtes-vous devenu? Où est ma compagne aimante? Et toi, qui es-tu? Femme dure, je ne te connais point. Tu me trouves dure. Tous ces marins qui t'ont suivi, au-delà du connu, il fallait bien que tu en prennes soin, que tu prennes garde à chaque humeur changeante, à chaque peur quand elle naît dans l'œil avant qu'elle se répande, n'est-ce pas? C'était une question de survie, n'est-ce pas? Tu me l'as dit. Oui. Il fallait, c'était une politique, mais ça devenait un plaisir. Organiser pour eux des instants de rire et des instants de prière. Des instants de sévérité et d'autres de douceur, c'était les aimer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ça ne t'a pas trop pesé, la grande découverte humaine. Tu étais taillé pour ça. Suis-je donc la seule que tu n'aies pas comprise? Pourquoi faut-il que j'explique ce qu'aucun de tes hommes n'a jamais eu besoin d'expliquer? Veux-tu des mots? Toi qui m'as toujours payé de silence. Ne m'aimes-tu plus? Ne suis-je plus ton phare? Je le savais bien qu'à force de naviguer, on s'éloigne. Comment ai-je pu croire? Comment ai-je pu croire que dans ton âme, ce phare clignoterait toujours réglé sur les battements de ton cœur? As-tu jamais pris garde à ma peur? Ne l'ai-je pas fait? Comment cela eût-il été possible? Tu n'étais pas là. As-tu pris soin de rire et de prier avec moi, comme avec tes marins? As-tu ménagé pour moi des instants de sévérité et d'autres de douceur? Tu me fais trembler, Catherine. Tu aurais tremblé bien davantage si tu m'avais aimé comme tu as aimé ta maisonnée flottante. Si tu m'avais connue. Mais tu n'étais pas là. Où est ta maison, Jacques? Dis-le-moi. Tu n'as pas essuyé les tempêtes ici. Tu n'as jamais vu les naufrages de ce bâtiment solide. Il y en a eu pourtant. Mais tu n'étais pas là. Tu m'as laissé seule à bord. Cette pièce destinée à Saint-Malo et au Canada doit tourner pendant l'été dans l'Ouest et plus spécialement être jouée au Festival des Tombées de la Nuit, place du Parlement à Rennes au mois de juillet. Isabelle Pirot, quelle est la part de l'imagination justement dans elle votre est grande. Pièce? Elle est grande parce que ça ne m'intéressait pas de faire une pièce historique. Alors j'ai imaginé qu'on verrait une troupe de comédiens sur scène jouer une pièce sur Jacques Cartier, comme une troupe de province qui jouerait, qui raconterait l'histoire de Jacques Cartier. Ce qui nous permet un regard dans le XVIe siècle et des ponctuations dans le XXe siècle, où moi, en tant qu'auteur, je me permets d'avoir un regard sur Jacques Cartier, sur son histoire, où nous nous permettons certaines réflexions qu'on ne pourrait pas se permettre simplement dans l'histoire de Jacques Cartier. En quelque sorte, vous voulez faire excuser votre imagination. C'est joli mon dit, peut-être. Cette scène que vous interprétiez quand nous sommes arrivés, c'est une scène que vous avez donc complètement imaginée? Ça, c'est votre façon de sentir par rapport à Jacques Cartier. Vous vous êtes mis dans la peau de ce personnage. Absolument, oui. Il a fallu quand même que j'invente. D'abord, il a fallu que je m'écrive un rôle, ce qui est pour moi essentiel quand j'écris une pièce. Je m'écris un rôle, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, j'ai pris le rôle de Catherine Desgranches, la femme de Jacques Cartier. Et je me suis écrit une scène, finalement, une scène d'amour avec Jacques Cartier, son mari. C'est quand même l'histoire de Jacques Cartier qui prédomine. Les ponctuations du XXe siècle restent des ponctuations. Hein. Il est bien important pour le spectateur de continuer à entrer dans l'histoire, de ne pas être dérangé trop souvent par des anecdotes du XXe siècle. Et de, bah, après tout, ils rentrent dans la grande histoire et ils vont jusqu'à la mort de Jacques Cartier, jusqu'à la veillée funèbre de Jacques Cartier, mais qui est très optimiste quand même. Juin 1538, la paix est signée. Les richesses du Canada seraient les bienvenues. Jacques Cartier présente son projet au roi. Pour contrer les ambitions espagnoles ou portugaises, il faut établir au Nouveau Monde une colonie de peuplement. Le projet est accepté. Mais François Ier nommera un noble fortuné, le sieur de Roberval, lieutenant général, chef ducteur et capitaine de la dite entreprise, ensemble de tous les navires et vaisseaux de mer. Ce Roberval va se montrer tout à fait incompétent quant à l'équipement de ses bâtiments. Il ajournera sans cesse son départ et jouera même plus ou moins les pirates, dit-on, pour se renflouer financièrement. Resté maître pilote de ses cinq navires, Cartier obtient du roi l'autorisation d'appareiller sitôt prêt, soit le 23 mai 1541, avec une centaine d'hommes et des fournitures pour 2 ans. Catherine, sa femme, attendra. Arrivé au Canada, Jacques Cartier remonte de nouveau le Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga, Montréal. Tout l'été, il attend en vain Roberval. Et il hiverne de nouveau. On ne sait rien de plus. La fin de son récit s'est perdue. Cependant, en juin 1542, un an après Cartier, Roberval arrive à son tour à Terre-Neuve. Il relate. Se sauvèrent secrètement de nous la nuit suivante et, sans prendre congé, partirent un continent pour se rendre en Bretagne. Bon. Eh bien, je vais relire tout ça. Durant notre long séjour au Havre de Saint-Jean, Jacques Cartier et sa suite venant du Canada, où il avait été envoyé l'année auparavant avec 5 navires, arriva au même Havre. Après m'avoir rendu ses devoirs, il me dit qu'il avait apporté certains diamants. Voilà, et une quantité de mines d'or qu'il avait trouvées au pays. Le dimanche suivant, on fit l'essai de cette mine et elle fut trouvée bonne. De plus, Cartier me dit qu'il n'avait pu avec sa petite bande résister aux sauvages qui rôdaient journellement et l'incommodaient fort, et que c'était la cause qui le portait à revenir en France. Cependant, lui et sa compagnie louèrent fort le pays comme étant très riche et très fertile. Mais lorsque, ayant des forces suffisantes, je lui eus commandé de retourner avec moi au Canada, Cartier et ses gens, remplis d'ambition, et parce qu'ils voulaient avoir toute la gloire d'avoir fait la découverte de ces parties, se sauvèrent secrètement de nous la nuit suivante et, sans prendre congé, partirent un continent pour se rendre en Bretagne. Voilà. Au cours du 34e congrès France-Canada, qui se déroulait à la mi-avril à Saint-Malo, l'Association des Amis de Jacques Cartier a organisé une table ronde sur différents thèmes. Gilles Foucron, qui prépare un important ouvrage sur Jacques Cartier, nous dit ce que fut, selon lui, l'épilogue de ce troisième voyage. Il semblerait que M. de Roberval a eu les pires difficultés pour trouver l'argent, pour armer ses navires, et qu'il va effectivement armer que 3 navires. Il a même repris son rôle de corsaire, je crois, à ce moment-là. Ah oui, alors là, voilà. On a même dit qu'il avait piraté. Est-ce que c'est exact ? Tout à fait vrai. Puisqu'il se saisissait des bateaux espagnols en particulier qui passaient au large de la Bretagne. Or, il ne faut pas oublier que nous sommes encore en période de paix. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est du piratage. Or, il est certain que Jacques Cartier n'allait pas rester sans nouvelles, puisqu'il n'a eu aucune nouvelle de Roberval. Donc, est-ce que ses navires avaient disparu ? Il n'y avait bien entendu aucun moyen de communication et ne pouvait pas attendre véritablement jusqu'à la fin. Et c'est pour ça donc qu'il partira, soit dans les derniers jours de mai, soit dans les premiers jours de juin 1542. Et si bien qu'il va rencontrer effectivement Roberval, soit à Terre-Neuve, soit au Havre-Saint-Jean. La date exacte n'est pas connue. Il semblerait que ça soit au début du mois de juin, mais on ne sait pas exactement. Et alors là, ce qui prouvera encore l'incompétence de Roberval, c'est que Jacques Cartier va montrer ses fabuleuses richesses, c'est-à-dire les diamants, c'est-à-dire l'or qu'il a trouvé d'ailleurs pratiquement sur le lieu même de Charlebourg. Or, si Jacques Cartier, qui n'était pas d'un milieu noble, et par conséquent n'a jamais vu véritablement ce que c'était qu'un diamant brut, ce qu'était l'or à l'état natif, il l'a montré à Robert Val, qui lui, par contre, étant noble, aurait dû savoir ce qu'était un diamant brut. Et il a trouvé les pièces fort bonnes. C'est le terme même qu'on retrouve dans la relation. C'est-à-dire que Jacques Cartier est parti pour la France, en fait, en étant sûr qu'il s'agissait de véritables trésors, et non pas de la pyrite, comme il s'agissait, ou même du quartz. Est-ce que Robert Val n'a pas fait exprès de le tromper ? Ça, malheureusement, je crois qu'il est difficile de le savoir jamais. Je ne vois pas tellement l'intérêt pour Robert Val, car à ce moment-là, Jacques Cartier n'avait pas encore décidé de partir, car Jacques Cartier est parti de nuit. Bon, vraisemblablement, sans prévenir son supérieur hiérarchique, monsieur de Robert Val. Mais est-ce qu'un supérieur hiérarchique qui fait de la piraterie reste un supérieur hiérarchique ? Ça reste un autre problème. Et Jacques Cartier donc décida de ne pas suivre Robert Val à Charlebourg, comme il le lui demandait. Parce qu'un deuxième hivernage, ça me paraissait d'autant plus difficile qu'il faut savoir que M. de Robert Val avait obtenu le transfert de prisonniers sur les navires pour obtenir la colonisation. Et que si les deux premiers voyages se sont déroulés relativement bien, le troisième a posé beaucoup plus de problèmes du fait justement de la présence de ces prisonniers qui avaient obtenu leur libération en échange d'aller au Canada. Et donc Jacques Cartier n'était pas favorable de retourner à deuxième hivernage, il s'estimait pas prêt. Bon, l'incompétence en plus de Robert Val a fait qu'il a décidé de partir. Il est parti de nuit en plus pour échapper aux Espagnols qu'il savait patrouiller pour le capturer. Ce qu'il avait donc appris de Robert Val lui-même. Voilà. Alors par conséquent, quelle est la démonstration même, je crois, ce qui nous permettrait de dire que Jacques Cartier n'a pas déserté. Je crois que François Ier est quand même un roi important et qui n'aurait pas souffert la moindre entorse à son autorité. Or, à ce moment-là, s'il avait véritablement déserté, qu'est-ce qui se serait passé ? Jacques Cartier aurait été en prison, il n'en a jamais été question. Jacques Cartier fut effectivement reçu un petit peu fraîchement du fait qu'il n'avait pas découvert de l'or ni de diamants, mais en aucun cas il ne fut question d'emprisonnement. Et Jacques Cartier rejoignit Saint-Malo sans aucun problème. Et je dirais même, on chargea même Jacques Cartier d'organiser l'expédition de sauvetage. Car en fait, Robert Val, encore dans son incompétence, alors que Jacques Cartier lui a pu rentrer, eh bien Robert Val ne pouvait pas rentrer. Et d'ailleurs, deux navires de Robert Val ont rejoint la France entre-temps et ils furent mis sous séquestre. Ce qui prouve encore une fois plus que Robert Val est parti avec des dettes. Véritablement, donc, je crois que dans toute cette troisième expédition, la première chose que l'on voit, c'est que si elle a échoué, ce fut par, je crois, l'influence de M. de Robert Val, et non pas l'influence de Cartier, qui, bien secondé, aurait sûrement réussi sa troisième expédition. Et d'ailleurs, en fait, les problèmes juridiques ont eu lieu avec Robert Val, et non pas avec Jacques Cartier. Depuis le retour du Canada, quelques années ont passé. Nous voici en 1552. Sans doute Cartier rêve-t-il de repartir. Monsieur Lestringant, maître assistant de littérature du XVIe siècle à l'Université de Haute-Alsace, nous parle d'une rencontre fameuse dite « Conférence de Saint-Malo ». En 1552 ou 1553, Jacques Cartier aurait reçu chez lui, à Saint-Malo, dans sa maison de la rue de Buin, qui est tout près d'ici, il aurait reçu la visite de Sébastien Cabot, le fils de Jean Cabot, qui a découvert Terre-Neuve à la fin du XVe siècle, et il aurait reçu également un capitaine danois, et le cosmographe André Thévé. Le cosmographe, c'est le géographe, si vous voulez, le géographe des rois de France, à ce moment-là. Et il y aurait donc eu une discussion assez serrée au sujet d'une possible expédition vers le Nouveau Monde menée conjointement par la France et l'Angleterre. Alors tout ceci est très hypothétique parce que la seule source d'information pour cette conférence bilatérale entre la France et l'Angleterre, la seule source est André Thévé, qui est un personnage très intéressant, mais à qui on ne peut pas toujours faire confiance. Pour quelle raison ? Il fabule un peu ? Eh bien, c'est d'abord un cordelier qui a le goût de l'aventure, qui commence par faire un voyage en Orient, bon, comme les gens de son ordre. Il fait le pèlerinage de Jérusalem et il a peut-être aussi joué le rôle d'espion auprès de la Sublime Porte à Constantinople. Il fait un séjour d'un an à Constantinople, et sans doute pour des raisons diplomatiques ou semi-officielles, en 1549-1550. Et après quoi, on le retrouve au Brésil en 1555. Il accompagne le chevalier de Malte Nicolas Durand de Villegagnon dans la baie de Rio de Janeiro, où Villegagnon essaye de fonder une colonie française qu'il a nommée pompeusement la France Antarctique. Alors, TV est donc le chroniqueur de la colonie, et il est très vite rapatrié. Il tombe malade en arrivant, pratiquement au bout de 6 semaines, il est rapatrié. Et au retour, il écrit un livre, enfin, ou il fait écrire un livre plus exactement, parce qu'à l'époque, on utilisait déjà des nègres. Il fait écrire un livre qui s'appelle « Les singularités de la France Antarctique », qui est tout à fait remarquable, parce qu'il contient une information qui n'avait jamais été publiée jusqu'ici sur les cannibales du Brésil et sur la flore et la faune de l'Amérique australe. C'est un livre tout à fait remarquable. Et alors là-dedans, il y a quelques chapitres concernant le Canada, puisque TV prend prétexte du Brésil pour parler de l'Amérique dans son ensemble, et il y a 5-6 chapitres concernant le Canada, et en particulier Jacques Cartier, que TV appelle d'ores et déjà mon grand ami Jacques Cartier. Mais à ce moment-là, on n'en sait pas plus, et c'est progressivement, au fil de ces ouvrages qui seront de plus en plus volumineux, de plus en plus importants, et dont l'information sera de plus en plus invérifiable, que TV va inventer en quelque sorte cette conférence. Alors, dans sa Cosmographie universelle de 1575, qui est une géographie universelle donc qui concerne le monde entier, il parle donc de 5 mois de conférence. Pendant 5 mois, TV aurait séjourné chez Jacques Cartier pour obtenir de lui des informations orales. Alors à ce moment-là, on peut penser aussi qu'il a rencontré bien d'autres gens chez Jacques Cartier. Alors oui, on a même pensé à Rabelais, pourquoi pas. TV parle de ses relations avec Rabelais d'ailleurs, mais il en parle à propos de l'Italie. Il aurait rencontré Rabelais à Rome dans les années un peu antérieures. Mais on a pensé, enfin c'est le chanoine Dormet qui, dès le début du XVIIe siècle, a pensé que Rabelais avait reçu de Jacques Cartier des informations pour écrire le Carlivre, qui contient, comme vous le savez, de très nombreux termes de marine et qui contient toute une description très technique de la manière de naviguer à l'époque. Alors c'est une tradition très ancienne, une tradition malouine qu'on trouve donc à Saint-Malo dès le début du XVIIe siècle, qui n'est pas vérifiée, c'est difficile d'accorder un crédit total à ces dires, mais pourquoi pas après tout. Oh, c'est quelquefois assez troublant quand on voit l'île sonnante, par exemple, qui est remplie d'oiseaux. Ça ressemble à l'île des oiseaux. Et il y a toutes sortes de ressemblances comme cela. Oui, mais alors on pourrait aussi peut-être en trouver avec les voyages de Saint-Brandan, par exemple. Et c'est tout de même un petit peu aléatoire. C'est l'interprétation d'Abel Lefranc au début du siècle, qui est dans les navigations de Pantagruel, avait essayé de retrouver le voyage de Jacques Cartier, les voyages de Jacques Cartier, sous le texte de Rabelais. Et on y arrive, forcément, tout finit par coller. Bon, il faut se méfier un petit peu de ce type d'interprétation. Mais c'est tout de même assez troublant, effectivement, qu'on ait ce témoignage au début du XVIIe siècle d'un historien, d'un chroniqueur de Saint-Malo, disant que Rabelais est un épicurien, enfin, parlant en mauvais termes de Rabelais, disant néanmoins qu'il est venu à Saint-Malo recueillir ses renseignements de Jacques Cartier. Et puis, ce n'est pas parce que TV avait rencontré Rabelais avant à Rome qu'il ne se serait pas rencontré plus tard, autre part. Parce que c'est justement quand on voyage, qu'on se rencontre au bout du monde, et à l'époque encore plus, parce que les voyageurs étaient rares et ils voyageaient beaucoup. D'autre part, oui, on peut aussi alléguer que le fait que TV et Rabelais ont tous les deux été franciscains, donc il y avait une espèce d'affinité entre les deux hommes, ce n'est pas impossible. Et TV parle assez abondamment de Rabelais dans son ouvrage. Bon, mais toujours est-il que cette conférence est quand même largement hypothétique. Alors, elle est très intéressante, si elle a eu lieu, hein, je dis bien si elle a eu lieu, dans la mesure où la France aurait attaqué l'Espagne, mais non pas en Europe, mais au cœur de l'Amérique, par l'Amazone. Et en remontant la vallée de l'Amazone, on aurait attaqué donc les colonies espagnoles d'Amérique. Au XIXe siècle, on a beaucoup discuté pour savoir si Jacques Cartier avait lui-même rédigé la relation de ses voyages. Au cours du colloque de l'Association française d'études canadiennes, M. Bidault, de l'Université de Montpellier, a fait le point sur ces polémiques. Voici pourquoi cette relation fut peu connue à son époque. Pour la première relation, tout indique que c'est là l'œuvre de quelqu'un qui était le capitaine de l'expédition. Que sa relation ait été ou non retouchée par la suite, il resterait que cette retouche n'affecte pas le style dominant de la relation, et qu'en tout état de cause, dans tous les passages où le narrateur dit « je », qu'il dise « je » ou qu'il dise « nous » ou qu'il parle de lui à la troisième personne, ce qui était le parti qu'il avait adopté donc dès le départ de sa relation, il n'est pas difficile, me semble-t-il, de reconnaître derrière ces différentes personnes la fonction et l'identité du capitaine Cartier. Et lorsqu'il s'agira de nommer des terres vierges, des îles, des caps ou des baies, Cartier, le plus fréquemment, fera usage du « nous ».« Nous nommâmes, Issel, île, etc. » ou bien encore fut nommé le cap, etc. On trouve également la forme nommée, nous abordâmes à un cap nommé, etc. Dans certains cas, il peut s'agir d'une nomination qui est antérieure, par exemple, vous le savez, sur cette façade atlantique que les Malouins connaissaient bien avant Cartier, mais également, nous trouvons cette forme lorsqu'il s'agit du golfe du Saint-Laurent lui-même que Cartier a découvert et là où il a lui-même effectué ses nominations. En tout cas, la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que toutes ces formes de nomination sont équivalentes, donc que le « je » équivaut à un « nous » ou bien équivaut à cette forme passive « fut nommé », etc. Et que toutes ces nominations sont d'évidence, me semble-t-il, l'œuvre du chef de l'expédition lui-même, comme c'était l'usage. Toutes ces polémiques, au fond, viennent de ce que cet ouvrage a paru d'abord à peu d'exemplaires et puis disparu. Alors, que sait-on de cette première édition, justement ? Qui lisait Cartier à l'époque et était-il très connu ? Ou la relation elle-même était-elle très connue, du moins ? Je crois que pendant très longtemps, il n'a pas été connu parce qu'il n'a pas voulu se faire connaître et parce que ces relations étaient d'abord essentiellement des rapports qui étaient remis au roi sur une expédition qu'il avait financée lui-même de ses deniers. Et l'on sait notamment que les espions portugais et espagnols étaient vraiment à l'écoute de tout ce qui pouvait avoir été découvert par les concurrents. Donc une certaine technique, je dirais, du secret que les Portugais d'ailleurs avaient porté à un point de perfection. Le rapport du premier voyage est resté secret, bien entendu, tant que Cartier n'est pas parti pour le deuxième, puisqu'il s'agissait de parachever la navigation. Et tenons compte du fait que les terres découvertes n'étant pas occupées, quiconque, évidemment, venait après lui pouvait les revendiquer. La relation du second voyage n'a pas été davantage publiée. Il a fallu attendre 1545, c'est-à-dire quelques années après l'échec de la troisième expédition qui était, c'était une grande nouveauté dans la politique française, une expédition de peuplement, de colonisation, même s'il conviendrait évidemment de nuancer peut-être cette notion. C'est seulement à ce moment-là, alors, qu'est apparue cette édition de 1545 et qui ne publiait que la relation du second voyage, ce qui se comprenait puisqu'il était de très loin le plus réussi, le plus glorieux. Mais cette relation a été très peu lue. Pourquoi ? Il semble que cette édition parisienne de 1545 ait eu un très médiocre succès. Je crois que l'on peut invoquer deux ordres de raisons. La première, c'est qu'elle ne paraissait plus à son heure. On peut penser que l'édition avait été programmée, si j'ai pu dire, en fonction de la paix intervenue entre François Ier et l'Espagne. Mais très vite, donc, les circonstances politiques ont changé. Et de toute évidence, François Ier ne pensait plus du tout à l'Amérique du Nord, au Canada. La deuxième raison, je crois qu'il faut la chercher dans la médiocrité intrinsèque de cette édition. Penser que deux chapitres entiers ont disparu, que par exemple cet imprimeur imprime régulièrement Honest, là où il s'agit de lire ou Ouest, et d'autres énormités typographiques comparables. Donc une édition médiocre. Maintenant, à combien d'exemplaires a-t-elle été tirée ? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons par contre, c'est que ces exemplaires sont devenus rarissimes. Le premier a été retrouvé seulement en 1863. Il est à la British Library à Londres. Un deuxième exemplaire existe à la Mazarine et un troisième également à la bibliothèque municipale de Rouen, il faut le signaler. Si Jacques Cartier ne fut guère connu de son temps, signalons aux auditeurs de France Culture que les éditions Maspero ont récemment publié en un volume le récit de ses voyages dans la collection Découverte. On trouvera dans le même ouvrage les récits des prédécesseurs de Cartier à la recherche du passage vers l'ouest, Gonneville au Brésil et surtout Verrazzano le long des côtes américaines. Suit naturellement le récit de Robert Val. Signalons dans la même collection les singularités de la France antarctique, Pendret TV, dont nous avons parlé il y a quelques minutes. D'autre part, un ouvrage collectif, publié sous la direction de Fernand Braudel, professeur honoraire au Collège de France, et de Michel Mola du Jourdain de l'Institut, et comprenant les textes de Cartier, vient de paraître aux éditions Berger-Levrault. Ouvrage intitulé « Le monde de Jacques Cartier ». « Avec ce 450e anniversaire, Jacques Cartier prend décidément sa revanche. Nous voici maintenant avec M. Bernard Hu, professeur à l'Université de Rennes, qui présentait, au moment du départ des grands voiliers à la mi-avril, une fresque historique sur le navigateur malouin, Jacques Cartier ou les diamants du Canada, au théâtre de Saint-Servan, mise en scène de Sabine Landau. Par rapport à l'homme qu'est Jacques Cartier et par rapport à toute sa grande aventure, ces faits certains, ces faits historiques sont relativement peu nombreux et se ramènent dans le temps à 3 années pour les 2 premiers voyages et environ 2 années pour le 3e voyage. Alors il faut bien, cela laisse beaucoup de place à, d'une part à la réflexion et à l'interrogation, mais d'autre part au rêve. Et le mythe de Jacques Cartier est certainement né très tôt, ou en tout cas assez tôt, de cette lacune de connaissances historiques. L'homme, qui était-il en réalité? Quelle a été son aventure, son drame intérieur? Car je pense bien qu'il y en a eu un pour Jacques Cartier. Et puis le prolongement, c'est-à-dire qu'adviendra-t-il de ce qu'il a découvert, de ce qu'il a essayé de faire, de ce qu'il n'a pas réussi à faire en 1541-42 parce que quelqu'un d'autre a été nommé à sa place responsable, c'était gouverneur du Canada, c'est Robert Val. Tout cela, évidemment, c'est l'aspect négatif pour Jacques Cartier, mais l'aspect positif, c'est les prolongements. Et les prolongements, c'est à la fois la réalité que nous connaissons, mais que ne pouvait pas connaître Jacques Cartier, et le mythe que, de Jacques Cartier que nous connaissons bien aujourd'hui. Sabine Landau, pour ce Jacques Cartier, comment avez-vous recruté ces 40 personnes? Alors là, ça a été de l'ordre de la floraison spontanée, je dirais, et même du miracle. Je crois que chacun de nous a été enthousiasmé par le projet de Bernard Hu, et chacun de nous en a fait part à ses amis, et les gens disponibles se sont présentés, très heureux de se découvrir les uns les autres. Il y a dans la troupe des gens très, très expérimentés, comme Gis Langer, comme René Le Gallic, et puis évidemment les jeunes camarades que j'entraîne au Théâtre Ballade ont tout de même l'avantage d'un entraînement quotidien et d'une expérience très, très riche déjà, puisqu'on tourne pas mal et sur des sujets très différents. Et puis il y avait aussi des gens qui avaient fait beaucoup de théâtre amateur autrefois. Il y a aussi des enfants, des adolescents qui travaillent dans les clubs de leur collège, des professeurs qui eux-mêmes animent des groupes d'étudiants ou de collégiens. Si bien que ça réunissait un petit peu tous les gens qui s'intéressent au théâtre dans la ville. Il faudrait peut-être évoquer les chants aussi qui sont venus ponctuer certaines scènes ou les annoncer, les préparer. Et il faut rendre hommage ici tout particulièrement à une association malouine déjà ancienne, les Corsaires Malouins, qui a créé une chorale il y a quelque temps. Et c'est une partie de cette chorale qui s'est transformée en acteur aussi, et qui a participé sur la scène, donc, au spectacle. Sur le navire-école polonais, un trois-mâts de 109 mètres de long, rencontre de la chorale du bord et des corsaires malouins, ensemble fondé par Roland Mazurier des Garennes. Nous allons participer au grand rassemblement qui va y avoir à Saint-Malo des Holgafeurs, donc des vieilles coques en bois. Il y aura un grand fest-noz. C'est fin juillet, je crois début août, qu'il y a ce grand rassemblement qui aura lieu de l'endroit où est partie la Grande Hermine, c'est-à-dire à la cale Saint-Père, à Saint-Servan, près de la Tour Solidor. Alors ça aura beaucoup de gueule, parce que là vous aurez une vingtaine ou une trentaine de coques en bois qui seront là. Et pour les gens qui ont navigué sur les bateaux, les vieux caporniers, le grand mât des caporniers qui sera certainement là, pour eux ça leur rappellera en fermant les yeux certainement des tas de souvenirs à bord de leur bateau. Et avec tous ces marins qui seront là, c'est-à-dire que nous serons peut-être 200 ou 300 à chanter Valparaiso, Tacoma, Santiano, enfin tous ces vieux chants de la marine à voile que eux, évidemment, les gens à bord de ces bateaux connaissent, et que nous ferons, si vous voulez, le cœur de soutien. Vous présidez l'association des corsaires malouins, des descendants de corsaires malouins, c'est ça? Ah, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Les descendants de corsaires, mon oncle a été dans les 10 membres fondateurs de l'association des descendants de corsaires, puisque j'ai la chance de descendre d'une famille qui était là dès le 15e siècle à Saint-Malo. Je suis donc descendant de capitaine corsaire, d'armateur, et également descendant du frère du commandant de la Petite Hermine, Vigor Jalobert, alors que le commandant de la Petite Hermine s'appelait Massé Jalobert et était le beau-frère de Jacques Cartier. Donc mes aïeux ont connu Jacques Cartier, ont connu Catherine Desgranges. Donc si vous voulez, l'affaire de Saint-Malo, c'est bon, je la raconte, j'aime bien la vivre, mais je la vis parce qu'en même temps je raconte mon histoire de famille. Jacques Cartier pense à nous, justement, nous, la chorale des corsaires malouins, je vous ai dit, vieux patronage de l'intramuros qui a plus de 60 ans, nous chantons des chants de marins. Marins français et polonais. Ils vont chanter, interpréter une chanson polonaise, un bâtiment s'en va en mer. Już wypływa statek w morze. Pływa statek w morze, woda niesie chłopców śpiew. Witają białe żagle na zmęczonych drzewcach rej. Odpływają, znika w dali dumnych białych żagli świat. Świeży powiew wiatru niesie czarodziej. Environ 25 voiliers à Vieux Gréement, plus modestes que le grand trois-mâts polonais, étaient amarrés dans le bassin Vauban. Ils se préparaient pour la course Saint-Malo-Québec, qui partait le 15 avril via les Canaries, les Bermudes, Halifax, avec Gaspé comme dernière escale à l'entrée de l'estuaire du Saint-Laurent. Ils remontent actuellement le fleuve, en même temps que tous les plus grands voiliers du monde, pour la parade qui se déroulera devant Québec le 30 juin prochain. Le Bernard l'Ermite était le seul voilier français officiellement inscrit pour cette transat buissonnière. Témoignage de son skipper avant le départ, Michel Henry, 29 ans. Le Bernard l'Ermite a été construit en 1929 à Liverpool en Angleterre, pour y servir de pilote. Les pilotes étaient des voiliers extrêmement rapides et marins qui fonçaient au large pour déposer le patron pilote sur la passerelle du long courrier qui revenait ensuite au port à travers les cailloux et les passes très dangereuses. Donc c'était des voiliers qui étaient par définition aussi rapides que les longs courriers. Ensuite, pendant la guerre, il a servi dans les services de déminage de la Navy, c'est-à-dire du fait qu'il était en bois, les mines magnétiques ne sautaient pas dessus. Moi, je ne suis pas très convaincu de la facilité qu'on peut avoir de reconnaître une mine magnétique d'une mine normale, la nuit, par force 7, l'hiver, au sud de l'Angleterre. Mais bon, toujours est-il que le voilier a survécu, ainsi que ses équipages, évidemment. On a perdu un petit peu sa trace jusqu'en 71, date à laquelle il a été importé en France. Il a été dans un très triste état. Et depuis 71, il a été retapé, rénové de fond en comble par des individuels bénévoles. Dont nous, qui l'avons racheté en 79. Et depuis cette date, il navigue donc dans le cadre de l'association Tobas, avec laquelle on fonctionne depuis 1980, pour faire ses croisières avec les handicapés et éventuellement avec Monsieur Tout-le-Monde quand la chose est possible, ce qui est très agréable aussi. Et on peut envoyer jusqu'à 200 mètres carrés de voilure, et c'est une surface assez imposante par rapport justement à ce tonnage. Et ce qu'il faut voir, c'est que les voiles sont notre moteur. On a débarqué le moteur, on n'a que les voiles pour se déplacer. Et les voiles sont le moteur, et ce moteur doit tirer un certain poids dans la mer. Il est très important qu'il y ait un maximum de moteur pour un minimum de poids. Et c'est les conditions qu'on remplit largement mieux que la moyenne de nos concurrents. Alors, bon, on pense que s'il n'y a pas trop de vent, on pourra se déplacer dans des conditions satisfaisantes. Mais s'il y a beaucoup de vent, il faudra lever le pied, étant donné que le voilier est un des plus vieux de la flotte. Il date de 1929, c'est un des trois plus vieux voiliers qui partira à travers l'Atlantique. Nous avons avec nous le Notre-Dame des Flots, qui est un ancien langoustier assez grand, d'un peu plus de 20 mètres de long, et qui nous accompagnera pendant toute la course. mais qui n'a pas eu le temps de s'inscrire pour des raisons nombreuses et variées. Il est marginal dans la course, en quelque sorte. Disons que c'est un voilier accompagnateur, et nous sommes extrêmement heureux d'être accompagnés par le Notre-Dame des Flots, qui est un très bon bateau, et ça nous fera une compagnie, et même un partage de la responsabilité culturelle que nous avons, nos deux voiliers, le Notre-Dame des Flots et le Bernard Lhermitte, de représenter l'ensemble des vieux voiliers français de la planète. Et nous avons fort à faire. Nous sommes bien heureux de pouvoir partager cette tâche. Comment est composé votre équipage ? L'équipage est composé de 8 personnes qui sont en forte majorité bretons. Un Suisse qui est électronicien du son. Et nous avons un caméraman écrivain parisien et un caméraman québécois que nous avons tenu embarqué, car celui-ci aura un œil un petit peu extérieur de par sa culture et nous permettra d'enrichir notre film que nous voulons consacrer à l'étude des rapports humains qu'il peut y avoir dans une équipe, dans une telle aventure. Donc au Québec, on va vous rencontrer pendant tous les mois de juillet et d'août, peut-être même septembre. Et nous allons donc continuer cette expédition après le Québec, jusque dans les Grands Lacs, sur la côte américaine. Et nous allons montrer le Bernard Lhermitte aux États-Unis et lui faire jouer un rôle culturel le plus important possible. C'est-à-dire que nous sommes en train de préparer une tournée de conférences qui s'effectueront à chaque escale et qui nous permettra d'exposer le patrimoine maritime français, ses richesses, ses particularités à ceux qui le désirent, que nous rencontrerons là-bas. Jo Gauthier, photographe d'art spécialisé dans les vieux gréements, sa femme et quelques fervents de vieux voiliers ont affrété un brick goélette de 32 mètres qu'ils ont tout simplement appelé Jacques Cartier. Port d'attache, Saint-Malo. Le Jacques Cartier devait se rendre directement à Gaspé. Le skipper du Jacques Cartier. On n'a pas de renseignements précis sur l'initiative de fabrication de ces bateaux, mais enfin à l'époque où ils ont été construits en briques goélettes. Enfin, il y a eu 500 bateaux de construits. La moitié de l'effectif de fabrication était destiné à être des bateaux à voile en briques goélettes, et l'autre moitié était destinée à faire des bateaux de pêche ou bateaux de transport de passagers ou autres. Et actuellement, il reste très très peu de ces bateaux, puisque après la guerre, beaucoup de ces bateaux ont été brûlés ou détruits. Au départ, les plans du bateau ont été prévus pour reproduire ces briques goélettes. Combien reste-t-il de bateaux de cette série à peu près actuellement ? Je crois que c'est pas très facile à savoir. Il y a les bateaux qui naviguent, alors là c'est un nombre extrêmement restreint. Vous avez les bateaux qui sont récupérés tous les ans, tous les mois, par différentes associations, par différentes personnes privées. Puisqu'il y a quand même un renouveau dans tout le monde du phénomène voile, du phénomène vieux gréement en particulier, qui est pratiquement universel. Et les gens récupèrent un peu ce qu'ils peuvent comme épave et rebricolent. Et ça se passera de plus en plus souvent comme ça, j'espère. Et nous, on considère ce bateau-là comme une sorte de maison de la culture flottante. Pourquoi pas, dans un port comme Saint-Malo, avoir une maison de la culture flottante qui ne demande pas que l'investissement de départ, qui est environ 1 million de francs pour l'achat d'un bateau de ce type. À l'intérieur des remparts de la ville, Monsieur Dan Laillet, conservateur du musée de Saint-Malo, a réalisé, à la chapelle Saint-Sauveur, une exposition qui durera tout l'été. Jacques Cartier, pilote de Canada. Titre qu'il nous expliquera durant cette visite. Monsieur Laillet nous montre quelques-unes des pièces les plus prestigieuses de cette exposition. L'introduction de l'exposition consiste en une évocation des voyages portugais et espagnols pour aboutir au moment 1533 où la France se met tout d'un coup en éveil et où on va charger en 1534 un pilote de Saint-Malo qui s'appelle Jacques de tenter de découvrir un passage vers le nord-ouest. Cette pièce est au point de vue archive peut-être la plus importante puisqu'il s'agit de l'original signé de François et qui donne l'ordre de payer d'avancer de l'argent, 6000 livres, pour monter une expédition confiée à Jacques Cartier. C'est la base du Canada, n'est-ce pas ? Du futur Canada, parce que sans cet engagement financier de la Cour de France, eh bien, il n'y aurait pas eu d'expédition. Alors, il faut revenir là à ce qu'est la Bretagne au XVIe siècle. Donc, les types de navires ex voto, ce sont des empreintes qu'on a faites sur des sculptures de chapelles bretonnes pour montrer comment les marins de cette époque voyaient leurs navires. Ceux-ci sont, c'est une sélection de représentations graphiques agrandies ou originales ou en facsimilé de types de navires allant de 1515 à 1550. Flamands, allemands, français, anglais, pour aboutir à cette maquette qui a été faite pour les circonstances d'ailleurs. C'est la restitution au plus près de ce qu'on peut savoir de la Grande Hermine de Cartier. Je l'ai depuis 1957, cette maquette. Je vais faire pour l'année de la mort de Cartier. De même, le manuel de pilotage de Brouscon, qui est un ouvrage extrêmement rarissime. C'est un manuel manuscrit du XVIe qui vient de la Bibliothèque nationale et qui est en fait le seul manuel de pilotage du XVIe siècle dans la région ouest. Alors là, tout bêtement, nous entrons dans les voyages eux-mêmes. Ce que j'ai voulu, c'est de suivre au plus près les très courtes relations des trois voyages en les illustrant, finalement. De la faune surtout, parce que la flore, c'était vraiment difficile de l'évoquer. Donc c'est le caribou, le petit pingouin, le grand pingouin, le fou de Bassan et l'ours. Tout ceci n'est pas gratuit parce que je voulais un ours noir, une peau d'ours noir, parce que le premier chef indien que Cartier rencontre sur les côtes de Gaspésie, il dit, il vint vers moi vêtu d'une vieille peau d'ours noir. Alors j'étais mis dans la tête d'avoir un ours noir. Ben, vous savez, ça a été très, très, très difficile. Et enfin, le voilà. Et puis, de temps en temps, vous avez aussi des pièces qui sont absolument prestigieuses. C'est cette carte Ronsefine, vient de la Bibliothèque nationale du département des cartes et plans. Elle est rarissime et vaut une fortune. Et c'en est quatre comme cela différentes. Je voulais rythmer l'exposition par des travaux de cartographes qui sont souvent inexacts, ils se copient, etc. Enfin, c'est toute la question de la cosmographie, de la cartographie à l'époque. Mais on voit de temps en temps comment on se représente le Canada, même un certain nombre d'années après la découverte. Le mot Canada, c'est lui qui a été le baptiste et qui a donné le mot de Canada au village de Huron, hein, Iroquois plus exactement, de Stadacone. Il va à Canada. Il va dans le pays de Canada, dans la province de Canada, dans le royaume de Canada. Et c'est la première fois que le mot apparaît. Alors c'est un mot indien qui veut dire cabane, vous savez. Bon, et qu'il a adopté, donc qui est devenu mot Canada. Alors ça, c'est les restes d'éléments de charpente de la petite Hermine, retrouvés en 1843 dans l'embouchure de la rivière Saint-Charles, et qui avait été offert à la ville de Saint-Malo. Et ils ont échappé à la destruction de 44, on les a récupérés quand je suis arrivé à Saint-Malo. Et donc, on peut les représenter comme ça. Ce sont des témoignages un peu techniques et un peu sentimentaux à la fois. Voilà, donc l'hommage à un homme, mais aussi un souci, si vous voulez, de pédagogie. Hein, voilà un peu le but de l'exposition. À la sortie du musée, un visiteur. Je suis Jean Paquin, je viens de Longueuil, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Et vous représentez ici une compagnie, vous avez un habit tout à fait d'époque de Jacques Cartier, je ne sais pas exactement. Non, pas de Jacques Cartier, c'est de 1755. C'est 5 ans avant la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre. Et c'est le régiment de la Compagnie franche de la Marine. Elle a été reconstituée en 1962 pour... En 62, ça a été des soldats du Royal 22e. En 63, ça a été des étudiants à l'île Sainte-Hélène qui ont pris les uniformes. Et depuis ce temps, sommes à l'île. Dans quelles occasions votre compagnie se manifeste-t-elle? Bon, nous sommes venus pour la première fois en France depuis la reconstitution l'an dernier pour un tour de France pour le 300e anniversaire de l'arrivée des troupes en Nouvelle-France, pour la défense à partir de Louisbourg jusqu'en Louisiane. Et nous avons fait 5 villes principalement, Lyon, Fréjus, La Rochelle, Saint-Malo et Paris. Et pour l'événement de Jacques Cartier, Ils ont demandé à deux hommes de venir ici, M. Robert et moi-même, pour divers événements. Pendant 4 ans, j'ai été tambour-major au sein de la Compagnie Franche de la Marine. En tant que tambour-major, j'ai eu comme devoir de créer un cahier de musique qui rassemble l'ensemble des pièces jouées par la compagnie. Il y a environ 5 marches militaires et plusieurs pièces de folklore qui sont d'au moins 200 ans, si possible. Et vous chantez aussi dans votre compagnie? Oui, nous chantons et les... Et les principales chansons sont surtout chantées après la charge à baïonnette, qui est une simulation de chants de bataille, qui sont Auprès de ma blonde et V'là le bon vent. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde y viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon. Tout en faisant le tour du port pour nous rendre sur le môle de la société nautique, rappelons aux nostalgiques de la marine à voile que le fameux Belém, le trois-mâts amarré sur la Seine depuis 2 ans au pied de la Tour Eiffel à Paris, y restera encore tout l'été. Parisiens et touristes, n'omettez pas de le visiter. Une occasion unique d'admirer un navire d'autrefois au cœur de la capitale. De plus, ces visites permettent de mener à terme les travaux de restauration dus au commandant et historien de marine Jean Randier, leur maître d'œuvre. Une fois ces travaux terminés, le Belém pourra enfin reprendre la mer. Au-delà de la société nautique de Saint-Malo, d'un côté du môle, sur le plan d'eau de gauche, baptême à l'eau minérale du trimaran Alcool Moderato en vue de la Transat Tag, c'est-à-dire la course de retour Québec-Saint-Malo. Sur le môle, M. Louis Thébault, directeur de la Maison des jeunes travailleurs et de l'Auberge de jeunesse de Saint-Malo. Président de l'association Saint-Malo-Québec. L'association Saint-Malo-Québec est une association régionale de France-Québec qui a été créée par le général de Gaulle simultanément en France et au Québec. Et notre but, c'est de développer les échanges entre Québécois et Malouins, échanges à tout point de vue, que ce soit économique, culturel ou même touristique. Et cet été, vous avez des jeunes gens de Saint-Malo qui vont là-bas au Québec? On a d'abord des jeunes qui vont travailler pendant 2 mois là-bas au Québec, des jeunes malouins, et en contrepartie, on a des jeunes Québécois qui viennent travailler 2 mois chez nous. Et on a aussi organisé pour ce 450e anniversaire un avion pour l'association Saint-Malo-Québec. Nous avons 300 places sur un avion pour l'été prochain, du 2 au 24 août. Alors, pas seulement un but touristique, mais aussi un but de travail, d'échange. Je crois qu'il y a beaucoup d'artisanat, non? Oui, il y a aussi beaucoup d'artisanat, puisque nous avons une section d'artisanat qui fonctionne très bien ici à Saint-Malo, qui fait des expositions tout l'été. Et même en arrière-saison, nous aurons également des expositions organisées par la section des métiers d'art de notre association. C'est une section de l'association qui est assez jeune, mais qui s'occupe actuellement de monter des expositions avec des artisans et des artistes malouins pour présenter à nos amis québécois tout ce qui se fait dans la région. Et en contrepartie, nous recevons des artistes qui viennent exposer, eux, ce qu'ils font là-bas chez eux. De l'autre côté du môle, le monocoque Gaspé représentait la ville de Gaspé. Il doit également courir la Transat Tag, un rendez-vous des Formule 1 de la mer. Les plus grands noms de la voile se retrouveront au Québec au cours du mois d'août prochain, tels Michael Birk, Marc Pajot, Florence Artaud, Louise Chambaz, Pierre Folenfant et bien d'autres. Départ de Québec le 19 août. L'arrivée des vainqueurs est prévue à Saint-Malo dès la fin août, soit une dizaine de jours plus tard. Ils auront donc mis 2 fois moins de temps pour traverser l'Atlantique Nord que Jacques Cartier lors de son premier voyage, accompli dans l'autre sens et avec bon vent. Sur le Gaspé, nous avons rencontré M. Gilles Loisel, commissaire général aux célébrations 1534-1984. M. Loisel, tandis que cette immense fête de la mer se propagera tout au long de l'estuaire du Saint-Laurent, sur le fleuve et bien au-delà jusqu'au Grand Lac, qu'avez-vous prévu à terre? Avec un peu de bruit d'ambiance, c'est bien. Les fanions qui claquent au vent. Bon. Nous avons construit un programme de manifestation culturelle qui va durer 63 jours et qui va couvrir le territoire québécois de Gaspé jusqu'à Hull, jusqu'à la frontière de l'Ontario. Principalement axé autour de place du 450e, puisque c'est ça que nous fêtons. Les États-Unis ont célébré leur bicentenaire avec IGLA. Nous ne voulons pas, si vous voulez, être en reste. Alors nous avons une place du 450e qui va vibrer tout l'été derrière le Parlement à Québec. Nous en avons une à Montréal en plein cœur de la ville. Nous avons une place du 450e qui, là, va circuler dans 11 villes du Québec tout au long de l'été autour d'un grand chapiteau, grand comme un terrain de football, et dans lequel il y aura des amuseurs publics de France, de Suisse, d'Italie, du Québec, bien entendu, de Belgique, musiciens, chanteurs. Et tout au long de l'été, cette espèce de place va se promener en éclatant et en faisant appel aussi aux artistes régionaux, parce qu'on ne voudrait pas simplement leur plaquer les vedettes de Montréal ou de Paris, mais permettre aux artistes des différentes régions du Québec d'être de la fête. Vous avez aussi un programme folklorique? Oui, assez important. Nous avons une troupe folklorique de Saint-Pierre-et-Miquelon qui vient, par exemple, au Rockbat. Ce sont des folklores basques. Et nous avons des troupes qui viennent un peu partout. Il y a une chorale qui doit venir de Bretagne, s'exprimant et s'associant à la grande fête du 450e, qui est une chose très importante. C'est jeune quand on est en France, 450 ans. Mais en Amérique, c'est vraiment la plus vieille présence européenne. Et on doit le dire, d'ailleurs, on a peut-être des velléités touristiques un petit peu, je dirais, mesquines. On songe que si les touristes viennent là, attirés par les grands voiliers, nous aimerions bien qu'ils découvrent en même temps la culture du Québec et qu'ils prennent plaisir à y revenir dans les années futures. Pourquoi un groupe folklorique basque venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, dira-t-on? Parce que dès le XVIe siècle, nos îles d'Amérique se sont peuplées de pêcheurs normands, bretons et basques qui ont fait souche. Au début du siècle, le port accueillait 400 goélettes. Et depuis une quinzaine d'années, on fête régulièrement le passage de Jacques Cartier dans ces îles en 1536. Jean-Paul Dunant, journaliste à RFO local, chargé de la promotion des festivités prévues à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les fêtes Jacques Cartier. Nous souhaiterions, par le biais de ces festivités Jacques Cartier, réanimer un peu ce port en essayant d'attirer des plaisanciers. Un nouveau tourisme pour nous qui, j'espère, pourra nous apporter de nombreux visiteurs métropolitains. Depuis déjà 2 ans à peu près, nous sommes sur cette opération des grands voiliers. Nous avons déjà eu l'assurance de certains d'entre eux viendront nous visiter après leur séjour à Québec, plutôt début juillet, quoi. Et ensuite, nous allons par contre avoir la visite de la majorité des Formule 1 de la mer, disons, des voiliers qui, eux, doivent participer à la Transat TAG Québec-Saint-Malo. Puisque nous avons un passage de bouée. Disons que le dernier point avant que cette course arrive à Saint-Malo sera Saint-Pierre-et-Miquelon. Jean-Paul Dunant, vous faites appel en somme à tous les plaisanciers pour qu'ils passent par Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais vous-même, là-bas, avez-vous un bateau qui représente Saint-Pierre-et-Miquelon dans les courses? Eh bien oui, nous aurons un voilier qui s'appellera Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons voulu profiter au maximum de ces événements pour nous faire connaître. Nous allons sillonner les rives des provinces maritimes et les fleuves Saint-Laurent pour visiter nos voisins, leur lancer un message de bienvenue vers ces terres françaises en Amérique du Nord. Laissant tous les bateaux remonter jusqu'à Québec pour la parade des grands voiliers du 30 juin, souhaitons à tous les Saint-Pierrais et Miquelonnais que la visite de quelques-uns de ces vieux gréements et navires-écoles entraînent au retour de nombreux plaisanciers de toutes nations dans leur sillage. Souhaitons encore que les Formule 1 de la mer, qui se rendront à Québec au mois d'août, fassent également escale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Retrouvons maintenant M. Bernard Hu, professeur de littérature comparée à l'Université de Haute-Bretagne. Il nous parle ici de l'écrivain, poète et cinéaste québécois Pierre Perrault et de son recueil « Toutes îles ». Ce recueil « Toutes îles », consacre tout un chapitre à Jacques Cartier, d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi le titre du recueil lui-même, « Toutes îles », qui est emprunté à Jacques Cartier, qui est emprunté à l'une de ses relations de voyage. Et ne serait-ce que pour cela que Pierre Perrault ait retenu comme titre une expression de Jacques Cartier, il me semble que c'est bien une volonté d'attirer l'attention sur le pilote malouin, sur le navigateur, autant que sur les îles en question, autant que sur le pays, évidemment, dont le recueil est aussi l'éloge. Géographiquement, je crois qu'il faudrait situer toutes îles et que c'est un archipel qui se trouve entre le nord de Terre-Neuve et les terres du Canada. Vous dites aussi que le voyage de Jacques Cartier revêt un caractère initiatique. À propos des poèmes, justement, de Pierre Perrault. Oui. Oui, le poème de Pierre Perrault est un poème à la fois épique et lyrique. Le thème général est le suivant. Pierre Perrault décide de refaire le voyage de Jacques Cartier afin de revivre ce que Jacques Cartier a vécu. Perrault va effectivement accomplir ce voyage sur les traces de Jacques Cartier. Mais c'est en même temps un voyage mythique puisque le postulat est le suivant. Il part seul sur le dos d'un blanc dauphin blanc, dit-il. Donc il y a une part de merveilleux, en somme, dans son poème, en même temps qu'il y a une reconstitution d'un voyage effectivement réalisé par Pierre Perrault, reconstituant, ou essayant plus exactement, de reconstituer le vrai voyage de Jacques Cartier. Comme il le dit très justement dans son recueil, Jacques Cartier n'a pas inventé son voyage. Eh bien, Pierre Perrault non plus, il n'invente pas lui-même son propre voyage, mais ce n'est pas seulement un voyage au pays du réel. C'est par les rivages que nous perdrons tout, la mouette et le large, dont il fut si longuement question entre nous. Et d'autres objets de navigation et de géographie nous feront tromperie, parce que l'amour ne fut pas nommé par son prénom. Honte à celui qui habite lieu sans nom. Honte à celui qui habite une terre surnommée à d'autres fins que celle d'aimer, voir et surprendre. La mer a besoin d'amer et de phare, et de havre, et d'îles pour enchanter les portulents et nous convaincre de naufrage. Et Jacques Cartier, lui, a bâti son poème géographique, en quelque sorte, en nommant les lieux. C'est ça, oui, et cela a beaucoup frappé, me semble-t-il, Pierre Perrault, qui voit en Jacques Cartier non seulement un voyageur et un homme des découvrances, comme il dit très justement, mais l'homme qui a nommé. Et en tant que tel, c'est un point qui lui permet de dire, d'affirmer que Jacques Cartier est un poète, c'est-à-dire un créateur, celui qui, au sens étymologique, crée en nommant. C'est l'homme du verbe. Si dans son poème « Toutes îles », Pierre Perrault partait sur la trace du navigateur malouin dans l'imaginaire, il a depuis lors réellement avancé d'escale en escale dans le dédale d'îles, caps et baies de l'estuaire du Saint-Laurent, en se guidant d'après le récit même de Jacques Cartier. Voyage dont il a tiré pour les auditeurs de France et du Canada une série d'émissions réalisées en collaboration avec le cinéaste Jean-Paul Lafont et qui sera diffusée au cours du mois d'août prochain sur cette antenne. À l'occasion du 450e anniversaire de l'exploration du Saint-Laurent par Jacques Cartier, France Culture vous a présenté Jacques Cartier, autour et alentour. Une émission de Nadine Lefébure, avec Philippe Moreau, Léon Lessac, Didier Baudet et divers témoignages, dans une réalisation de Maurice Audran. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 juin 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».